Dieu, répondit-il, avec un accent parfait de conviction. Ah, il est déjà bien loin. Tout à l'heure, vous ne pourrez plus le voir. Sans doute, il voyage pour visiter tous les pays. Tenez, il va passer derrière cette rangée d'arbres qui est presque à l'horizon. Et maintenant, il descend derrière le clocher. Ah, on ne le voit plus. Et l'enfant resta longtemps tourné du même côté, fixant sur la ligne qui sépare la terre du ciel des yeux où brillait une inexprimable expression d'extase et de regret. Est-il bête, celui-là, avec son bon Dieu, que lui seul peut apercevoir, dit alors le troisième, dont toute la petite personne était marquée d'une vivacité et d'une vitalité singulière. Moi, je vais vous raconter comment il m'est arrivé quelque chose qui ne vous est jamais arrivé, et qui est un peu plus intéressant que votre théâtre et vos nuages. Il y a quelques jours, mes parents m'ont amené en voyage avec eux, et comme dans l'auberge où nous sommes arrêtés, il n'y avait pas assez de lits pour nous tous, il a été décidé que je dormirais dans le même lit que ma bonne. Il attira ses camarades plus près de lui et parla d'une voix plus basse. « Ça fait un singulier effet, allez, ne l'être pas couché seul et d'être dans un lit avec sa bonne dans les ténèbres. » Comme je ne dormais pas, je me suis amusé, pendant qu'elle dormait, à passer ma main sur ses bras, sur son cou et sur ses épaules. Elle a les bras et le cou bien plus gros que toutes les autres femmes. Et la peau en est si douce, qu'on dirait du papier à lettres ou du papier de soie. J'y avais tant de plaisir que j'aurais longtemps continué si je n'avais pas eu peur, peur de la réveiller d'abord, et puis encore peur de je ne sais quoi. Ensuite, j'ai fourré ma tête dans ses cheveux qui pendaient dans son dos, épais comme une crinière, et il sentait aussi bon, je vous assure, que les fleurs du jardin à cette heure-ci. Essayez, quand vous pourrez, d'en faire autant que moi, et vous verrez. Le jeune auteur de cette prodigieuse révélation avait, en faisant son récit, les yeux écarquillés par une sorte de stupéfaction de ce qu'il éprouvait encore, et les rayons du soleil couchant, en glissant à travers les boucles rousses de sa chevelure ébouriffée, y allumaient comme une auréole sulfureuse de passion. Il était facile de deviner que celui-là ne perdait pas sa vie à chercher la divinité dans les nuées et qu'il la trouverait fréquemment ailleurs.